6-9 du week-end sur France Inter. L'actualité des sciences, les s'aventuriers. Avec vous, Fabienne Chauvière. Bonjour Fabienne. Bonjour Eric. On n'en finit pas, pour commencer, on n'en finit pas de faire des découvertes archéologiques en Égypte. Oui, il y a quelques jours, il y a eu une non-découverte, 3 ans après l'annonce de la probable existence de chambres cachées dans la tombe de Toutankhamon. On sait, grâce à des analyses radar, qu'il n'y a rien. On ne retrouvera donc pas la tombe de Néfertiti. En revanche, une équipe d'archéologues vient de découvrir la tombe d'un puissant général de Ramsès II. Et cela m'a donné envie de vous replonger dans cette époque avec le meilleur spécialiste français du sujet. Il s'appelle Christian Leblanc. Ce spécialiste du Nouvel Empire a passé quasiment toute sa vie en Égypte. Christian Leblanc est passionné par le Ramesséum. Oui, parce que le Ramesséum couvre quand même 100 000 mètres carrés, c'est-à-dire quand même 10 hectares. C'est un temple qui a nécessité quand même un certain nombre d'années pour être construit, puisqu'on pense qu'il a dû demander à peu près une vingtaine d'années pour construire le temple de pierre, proprement dit, et puis aussi tout cet ensemble de bâtiments annexes qui devaient faire d'ailleurs vivre le temple, et non seulement le temple, mais la population locale. On doit à Diodore de Sicile, cet historien grec, la première description de ce qu'il appelait le tombeau d'Ozymandias. Identifié par Champollion et Rosellini lorsqu'ils sont venus en Égypte à l'occasion de cette fameuse expédition franco-toscane, comme étant le Ramesséum, le monument où l'on voyait partout inscrit les cartouches de Ramsès II. Pendant très longtemps, on a désigné ces monuments comme étant des temples funéraires. C'est un petit peu une époque, si vous voulez, où on avait tendance à considérer que la rive droite de Thèbes était la rive des vivants, oui, et la rive gauche, la rive des morts. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Alors voilà pour les dieux égyptiens, Fabienne, et les femmes. Ce qui intéresse Christian Leblanc, c'est justement de reconstituer avec le plus de détails possible le quotidien des hommes et des femmes qui vivaient sur les bords du Nil il y a bien longtemps. On pourrait presque envier le statut de la femme à cette époque. Dans la société égyptienne de l'époque, la femme avait une position, c'est un statut qui était particulièrement important en fait. Au niveau des libertés, il y avait des divorces, etc., mais il y avait des droits qui étaient aussi reconnus. Les femmes avaient un rôle important et les reines, beaucoup plus important encore, puisque très souvent, elles étaient quand même associées au pouvoir. Des rôles qui sont associés notamment à la gestion des harems royaux. C'était très souvent des ateliers qu'il fallait diriger, des zones agricoles qu'il fallait gérer. C'est-à-dire que très souvent, ces reines avaient quand même, avec bien entendu des surintendants qui étaient à leur disposition, un rôle au niveau de l'administration qui pouvait être parfois important. Elles avaient un rôle religieux également au moment de certaines grandes liturgies ou de certaines grandes fêtes qui se déroulaient dans le pays. Et elles avaient justement aussi ce rôle diplomatique. Vous savez, quand il y a eu le traité de paix avec les Hittites à l'époque de Ramsès II, il y a eu une correspondance diplomatique qui a été, voyez-vous, échangée entre les deux royaumes. Donc on voit très bien quand même que ces femmes avaient un rôle très important au sein de la royauté égyptienne. Alors cela fait plusieurs décennies que Christian Leblanc, égyptologue, passionné de fouilles, va à Thèbes. Et ce ne sont pas les plus grandes découvertes qui l'ont le plus touché. Ce qui m'a peut-être le plus ému dans le cadre de l'école, notamment, c'est d'avoir retrouvé ces jeux. Parce que moi-même, quand j'ai vu apparaître ces jeux, en fin de compte, je ne savais pas ce que c'était. Donc là, il a fallu que je fasse appel à mes ouvriers de chantier qui travaillaient avec moi pour voir si eux, ils avaient déjà vu des choses comme ça. Et c'est là qu'on découvre finalement que ces jeux existent encore dans l'Égypte rurale d'aujourd'hui. Donc on retrouve là une permanence culturelle. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est là où on se rend compte que l'égyptologie, il ne faut pas regarder uniquement l'Égypte ancienne, rester sur les vieilles pierres, oui, et ne pas s'en détacher. Il faut avoir aussi, je pense, et c'est très important, ce regard sur l'Égypte contemporaine, mais de cette Égypte profonde, c'est-à-dire de cette Égypte rurale, où subsistent encore beaucoup de traditions, de coutumes, et finalement de superstitions même parfois, et qui remontent aussi loin dans le temps. Voilà, et pour aller plus loin, eh bien, vous pouvez vous plonger dans le livre de Christian Leblanc consacré à ces reines d'Égypte, ça s'appelle Reines du Nil, et c'est paru aux éditions Bibliothèques Introuvables. Merci Fabienne Chauvière.